Ce soir, nous allons quitter le monde réel, désespérément plat, et grâce à l'imaginaire, gagner les contrées lointaines des nombres complexes, qui n'auront de complexe que le nom grâce au dossier extraordinaire de notre formidable dictatup. Ça ira comme ça, maître. Nous sommes le 6 janvier 2015 et c'est le numéro 201 de Podcast Science. Bonne année et bienvenue. Bonsoir à tous et bonne année. Bonsoir à tous. Alors, un petit tour de table, bah... puisque je fais la présentation, je la fais jusqu'au bout. Ah, tu veux faire le tour de table? Je croyais que j'étais ah, en orange. Alors, je fais le bleu, je le fais pas. Hein. Très bien. Bah oui, non, je sais, j'ai changé de couleur, mais ça c'est... Donc nous avons ce soir un effectif réduit, mais quel effectif? Mais le gratin, la crème de la crème. Nous avons donc, loin de nous, très loin de nous, mais très proche du cœur, nous avons Julie, à Nice. Salut. Et à Paris, enfin, au vrai Paris, bon, au faux Paris, nous avons Nico qui va nous présenter le dossier de ce soir. Salut et, Nico. Et ton Minitel qu'il faut que tu récupères. Voilà. Et puis au Paris, le vrai, celui qui existe, je suis là, moi, Robin, voilà. Je vais peu parler ce soir, je vais surtout laisser la parole à Nico qui a fait un dossier. Tu as Boson dans les bras, si je dis pas le... Qui n'est pas dans mes bras, qui est dans son lit et qui tente de dormir mais qui fait des bruits bizarres. Et puis on va repréciser aussi qu'on a... comment ? On a Pouillot qui est là et on va le forcer à dessiner. Et surtout, on a leur grand retour d'Inti qui, normalement, devrait venir dessiner. Enfin, il n'est pas encore là, mais on espère qu'il va être là. Il dessine toujours de bon cœur, Pouillot. C'est pas... Et on précise que Irène, qui n'est pas là, a quand même eu une très bonne excuse. Elle mérite son award. Elle installe un microscope où, là? En Indiana, c'est ça? Ouais, c'est moins bien, c'est moins drôle, c'est moins drôle. Mais on pourrait faire un award des excuses pourries pour ce soir. Je pense sincèrement que c'est juste les gens ont vu un dossier sur les complexes par Nico et se sont enfuis en courant. Mais je veux pas... Ah, il y a du monde, là. Il y a des chances. Et donc au sommaire, ce soir. Au sommaire de cette émission, nous avons... Le dossier de Nico. Le pitch de la semaine prochaine. La ou les quotes de Nico. Ah oui, les quotes, parce qu'il a été très... plus que apparemment, sérieux. Apparemment, il a été sérieux, ouais. Enfin, il veut nous en imposer un peu. Le quiz du mois. Des plugs. Et c'est tout. Bah, et puis bah, maintenant que les présentations sont faites, allons-y. Nico, c'est parti pour ton dossier. Eh ben écoutez, oui, c'est parti. Alors, je préviens, ce soir, il va y avoir des équations. Mais bon, vous me connaissez, depuis le temps que je fais des épisodes et des dossiers. Je ne mets pas des équations un peu gratuitement, j'aime même pas trop ça, parce que je sais que ça fait un peu peur. Donc si j'en ai mis, c'est parce que je pense que cette fois-ci, peut-être exceptionnellement, ça peut valoir le coup. Alors... pour commencer, les nombres, vous savez que ça passionne plus d'un mathématicien. On a LJJ qui vient toutes les semaines nous raconter ce qu'est le nombre de la semaine. On a eu un nombre d'articles incroyables sur 2015, on a des articles. Et on pourrait croire que ces nombres sont figés dans le marbre depuis la nuit des temps, mais en fait, il n'en est rien du tout. Bon, et donc, en fait, il n'y en a rien du tout. On a pu découvrir déjà dans un épisode, dans même deux épisodes passés, que le zéro a mis un temps considérable avant d'être utilisé, que des personnes sont même mortes pour l'utilisation des irrationnels, et que des nombres bizarroïdes, si on peut encore appeler ça des nombres, permettent de différencier les infinis avec Cantor. Et donc, c'est pas du tout figé, et ce qu'on va voir ce soir, c'est qu'on va parler d'un nouveau nombre qui a changé pas mal de choses. Il se trouve que, pour beaucoup d'équations, en fait, justement, ce nombre a une importance énorme, parce que c'est grâce à lui que tout s'est arrêté, où on n'a plus eu besoin d'aller plus loin, et en fait, où pas mal de choses ont commencé du coup, parce qu'on a pu faire beaucoup plus de choses en l'ayant. Et c'est un simple petit nombre, un nombre trop bête, tout bête, et qui, comme disait Robin en introduction, qui est loin d'être complexe, et surtout loin d'être aussi imaginaire que son nom laisse le croire, et donc je parle bien sûr du nombre i, la racine carrée de moins 1. Alors, avant d'en venir au fait, on va essayer de voir un peu les prémices de ce truc-là. Il y a un vrai débat parmi les mathématiciens, les historiens des sciences, les vulgarisateurs, c'est est-ce qu'en mathématiques, on découvre des concepts ou est-ce qu'on les invente ? Ben dans le cas du nombre imaginaire, je pense qu'on peut parler vraiment de découverte parce qu'il est vraiment apparu chez plusieurs personnes, à plusieurs moments, et alors qu'ils ne voulaient vraiment pas en entendre parler. Pour vous donner un exemple, c'est là où je parlais d'équations, parce que c'est des équations que vous avez déjà vues en fait à l'école. Vous avez sans doute souffert à une époque de toutes ces équations que veulent résoudre les mathématiciens. Parmi ces équations, il y a les polynômes. Les polynômes, ça a occupé pendant un bon moment et ça occupe toujours les mathématiciens. Un polynôme, c'est tout con, hein. C'est une équation qui fait intervenir une inconnue x et ses puissances, x au carré, x puissance 3, x puissance 4, c'est-à-dire que par exemple, 2x plus 3 égale 5, c'est une équation polynomiale, où on cherche à trouver x qui respecte 2 fois x plus 3 égale 5. Une autre équation polynomiale plus compliquée, ça va être 3 fois x puissance 5 plus 4x puissance 3 plus 7x plus 1 égale 2, où on va pareil chercher un x qui, quand on fait tous ces calculs-là, ben, ça respecte l'égalité posée. Plus on monte la puissance de x, plus ces équations semblent difficiles à résoudre. Vous savez probablement résoudre la première équation, 2x plus 3 égale 5. Par contre, la deuxième que je répéterai pas, c'est pas dit que vous sachiez faire. Et à l'école, alors j'espère ne pas me tromper pour les noms français, mais en tout cas pour les français, vous êtes au moins allé jusqu'au degré 2, c'est-à-dire jusqu'aux équations qui faisaient apparaître x à la puissance 2, x fois x. Ce sont les fameuses équations et c'est comme ça qu'on les apprend en France. Et n'hésitez pas à nous envoyer des commentaires s'il y a des manières bizarroïdes de les apprendre ailleurs. En France, on les pose en mettant ax au carré plus bx plus c égale 0. Ça vous rappelle quelque chose? Alors Robin, je pose pas la question. Julie, je sais pas si tu as eu l'occasion de remanier récemment ou quoi ces trucs-là. Bah récemment, non, ça date de la prépa, quoi. Voilà. Et le nom officiel, quand on l'apprend, c'est le trinôme du second degré. C'est très clair. C'est le trinôme du second degré. Alors, c'est vrai que les polynômes, et c'est toutes ces équations, on va le voir juste après, il y a plein de noms un peu classieux, un peu vieillots qui apparaissent. En particulier, on vous avait donné la formule magique pour résoudre ces équations. Et quand je dis magique, c'est vraiment comme ça, un peu, on me l'a présenté un peu comme ça, où on dit, bah, pour résoudre ce truc-là, il suffit de calculer delta, qu'on appelle le déterminant. Et une fois qu'on a calculé ce delta qui est égal à b carré moins 4ac, ça doit vous rappeler aussi quelque chose parce qu'on vous l'a tellement enfoncé dans le crâne que normalement ça devrait rappeler des bons souvenirs. Et on a deux solutions, et c'est là où je parle d'équation, de la forme moins b plus ou moins racine de b carré moins 4ac sur 2a. Et bien sûr, pour qu'on puisse calculer tout ça, vu qu'il y a une racine carrée, il faut que le fameux déterminant b carré moins 4ac soit positif. S'il est négatif, eh ben on ne peut pas faire grand-chose parce qu'on ne sait pas prendre sa racine carrée. Aucun nombre multiplié par lui-même ne donne quelque chose de négatif. Ça va jusque-là ? Donc ça, c'est des rappels d'école, mais des rappels que vous n'aviez pas forcément envie d'avoir. Pour quelqu'un qui a évité la filière S, on peut quand même juste le développer un tout petit peu. L'idée que je prends un nombre au carré est forcément positif, c'est simple, mais encore faut-il juste le développer un peu, dire... Un nombre négatif multiplié par lui-même, ça fait moins par moins, ça fait plus. Un nombre positif multiplié par lui-même, plus par plus, ça fait plus. Donc, un nombre multiplié par lui-même donnera toujours un nombre positif. Donc, si on cherche la racine carrée, c'est-à-dire le nombre qui multiplié par lui-même donne un nombre, ça peut être que la racine carrée d'un nombre positif. C'est ça. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas de nombre quand on essaie que ce soit positif ou négatif qui va donner un nombre négatif multiplié par lui-même. Bon, alors ça c'était cool, c'est ce que vous avez vu à l'école, et avoir une formule, en fait, une recette de cuisine pour résoudre à la volée une équation, c'est un vrai graal en fait. Hein. Dans le monde réel, le monde qui suit après tout ce qu'on apprend à l'école, c'est très très rare d'avoir des équations qui permettent d'aller en ligne droite à la solution. Si vous vous rappelez l'épisode de David qui nous parlait des modèles numériques, on voit qu'on fait des choses beaucoup plus compliquées pour résoudre pas mal d'équations, parce que justement on n'a pas ce graal, on n'a pas une formule directe. Reste que les mathématiciens ont quand même cherché à en trouver. Et une fois avoir résolu les équations de degré 2, bah, vous imaginez bien que l'étape suivante, ça a été le degré 3, c'est-à-dire celle qui faisait intervenir les x à la puissance 3, x fois x fois x. Et alors, il existe aussi des formules pour le degré 3. Mais en toute franchise, si on ne vous en parle pas, c'est sans doute parce qu'elles sont assez affreuses. Je vous invite à aller voir les pages Wikipédia qui correspondent, vous aurez tous les détails de calcul. C'est assez sportif. Donc, ces équations, on les écrit pareil, on va faire du ax puissance 3 plus bx puissance 2 plus cx plus d égale 0, et on va essayer de les résoudre. Alors en fait, dans la pratique, les mathématiciens se sont rendus compte que c'était assez compliqué, et donc ils se sont dit, on va résoudre une équation un peu dégradée. Dégradée, c'était par exemple Cardan qui s'est intéressé à ax puissance 3 égale ax plus b. Et à cette équation, lui, il a trouvé une solution. Alors, je vous ai mis dans le dossier la solution, je ne vais pas la lire, ça n'a aucun intérêt. Mais cette solution, un peu comme dans les équations de degré 2, elle fait intervenir des racines carrées d'un nombre, une sorte de déterminant, qui peut être positif ou négatif. Alors, on pourrait s'arrêter là, et on pourrait se dire, bah, c'est facile, donc j'ai la solution, et quand ce nombre, cette sorte de déterminant de degré 3 est négatif, eh bah, je dis que c'est pas possible. Sauf que, au bout d'un moment, certains se sont rendus compte qu'on pouvait quand même essayer de faire le calcul en laissant de côté cette racine carrée négative, on la laisse, et puis on va voir ce que ça donne. Et au bout d'un moment, dans les étapes de calcul, ils se sont rendus compte que les racines carrées de nombres négatifs s'annulaient. Et que ça donnait une solution, enfin ça donnait en tout cas une valeur pour x avec cette équation. Et ils se sont dit, bon, bah, on va essayer cette valeur dans l'équation polynomiale. Et il se trouve que c'était une solution. C'est-à-dire qu'en faisant le calcul et en faisant intervenir des trucs bizarroïdes, des racines carrées de nombres négatifs, ça donnait une solution et ça donnait toujours une solution. Enfin, c'est-à-dire que quand on arrivait à la calculer, bah, ça marchait. Quand on la mettait dans le polynôme, c'était vraiment une solution. Donc en passant par un nombre bizarroïdo impossible, à savoir racine carrée de moins 1, ils obtenaient des bonnes solutions à leurs équations. Alors c'est là où je parle de découverte, parce qu'il faut bien se rappeler qu'à l'époque, on avait déjà un peu de mal avec les nombres négatifs, parce qu'on n'y trouvait pas d'interprétation suffisamment satisfaisante. En gros, on ne savait pas trop ce que ça voulait dire manger moins 3 parts de pizza. Alors parler de la racine carrée d'un de ces nombres négatifs, autant vous dire que ça plaisait pas des tonnes, et pourtant, bah, ça permettait de faire des calculs, et en fait, pas mal de calculs. Ça va jusque-là ? Alors j'ai mis un peu plus de détails dans le dossier, hein. Vous pouvez aller le voir, ceux qui sont vraiment allergiques à toute équation, c'est pas la peine de rentrer en détail, c'est vraiment... Le principal, c'est ce que j'ai dit là, c'est de se souvenir qu'en gros, on faisait intervenir dans les équations ce racine carrée de moins 1, et ça donnait des résultats qui, quand on pouvait les vérifier, étaient justes, et voilà, on ne savait pas trop quoi en faire. C'est là où on parle vraiment d'une découverte, on découvrait ce truc-là, qui avait l'air de correspondre à rien, mais le fait est qu'il aidait, quoi. Et en fait, il simplifiait même pas mal de problèmes. Et le fait qu'il nous embêtait pas trop, c'est qu'en fait, ben, on sait faire des calculs avec ce truc-là. Déjà, si on le multiplie par lui-même, si on le fait le carré, ben, par définition, ça fait moins 1. Donc ça, c'est plutôt agréable, parce qu'on a un truc, certes, bizarroïde, mais on arrive à le transformer en un nombre, en moins 1. Bon, qui est un nombre négatif, mais qui est quand même un nombre. On sait aussi l'additionner et le multiplier. Ben, pour ça, on lui applique les formules usuelles, où on développe des parenthèses, on peut factoriser, etc. Ça marche, et c'est même parfois plus simple que sans utiliser les nombres complexes. Par exemple, la formule de Cardan permettait de résoudre les équations de degré 3, et on a trouvé bien plus tard une formule plus compliquée pour résoudre ces mêmes équations sans utiliser nombres complexes, c'est-à-dire sans utiliser nombres imaginaires, mais le fait est que ces nombres imaginaires facilitaient. Donc, ce qui était très gênant, c'est que ça marchait, c'était parfois plus simple, et qu'on n'a aucune idée de pourquoi ça en avait le droit de le faire, et pourquoi un truc contre nature fonctionnait. En fait, le côté « j'utilise les nombres complexes, mais ils disparaissent juste avant la fin », ça rappelle un peu cette époque où des calculs astronomiques étaient faits avec le zéro, mais on se dépêchait bien à la fin de les supprimer des résultats tant ça paraissait dénué d'explications physiques de mettre un zéro, un rien, quoi. On en avait parlé dans l'épisode sur le zéro. Je me suis un peu perdu, et en fait, je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que c'est là où ça devient très calculatoire, et... Je vous parlerai à la fin, j'évoquerai un bouquin qui m'a pas énormément plu. S'il y en a qui veulent vraiment se plonger dans les calculs, il faut quand même un peu de background mathématique pour y aller. C'est plus costaud, mais là, vous allez me faire confiance sur les formules. Le truc, c'est qu'on arrivait à faire pas mal de trucs en fait, avec ces nombres complexes, parce que comme on savait calculer les carrés, etc., on arrive à faire des équations, on ne sait pas trop à quoi elles correspondent, mais le fait est qu'elles avaient l'air intéressantes. Et par exemple, une des équations les plus connues, c'est l'équation de l'air, qui est connue, qui a même été élue, je crois, la plus belle équation au monde. Parce qu'elle fait apparaître tous les nombres les plus importants des mathématiques. Alors Robin nous expliquera qu'il y a un débat entre lesquels nombres les plus importants des mathématiques. Dans sa forme que j'appellerais la plus classique, il y a l'exponentielle, le nombre imaginaire i dont on vient de parler, la racine carrée de moins 1, pi, moins 1, pi, 1 et 0. Donc il y a les deux constantes, 1 et 0, pi, le nombre imaginaire, et exponentielle, on n'en a jamais parlé, on n'a jamais fait d'épisode sur exponentielle, on en fera peut-être un jour, mais en gros c'est un nombre qui est au moins aussi important que pi, mais peut-être un peu moins vieux quand même. Et donc cette équation, c'est exponentielle à la puissance i fois pi, plus 1 égale 0. Alors là, je vous ai dit de me faire confiance, mais autant dire qu'on est dans Podcast Science, on est censé expliquer des trucs, et là, qu'est-ce que peut bien vouloir dire d'élever à la puissance complexe un nombre, on sait pas trop, et surtout personne ne savait trop le dire à l'époque. On savait juste que cette formule paraissait vraie, c'est-à-dire que si on l'élevait à la puissance pi fois i et qu'on ajoutait 1, ça faisait 0. Alors en fait, Euler a même montré un truc encore plus bizarroïde, et après je vais m'arrêter sur les trucs bizarroïdes parce que là ça va vraiment devenir du n'importe quoi. C'est qu'il a dit que si on prend un nombre, par exemple exponentiel à la puissance i fois x, c'est égal à cosinus x plus le nombre imaginaire fois sinus x. Alors je vous rassure, je vais m'arrêter là, parce que les cosinus et les sinus, ça doit vous rappeler aussi des mauvais souvenirs. Mais voilà, c'est juste pour vous faire sentir le fait que ce nombre imaginaire, on ne comprenait rien, mais on arrivait à faire des équations et à relier des trucs qui paraissaient complètement impossibles à relier ensemble. Par exemple, on reliait l'exponentielle à une certaine puissance avec des cosinus et des sinus, qui étaient des fonctions utilisées avec les fameuses formules trigonométriques, etc. Donc, c'est là où c'est un côté vraiment très découverte, parce qu'on avait un grand nombre de trucs qu'on arrivait à démontrer. Démontrer sous réserve qu'on s'autorisait le droit d'utiliser ce racine carrée de moins 1. Et ça paraissait utile. Et puis, on arrivait à avoir des choses de plus en plus utiles, mais on ne comprenait pas très bien ce que ça voulait dire. Alors, dans le dossier, je vous laisserai aller voir, je ne vais pas le faire à l'oral, ça n'a aucun intérêt. Si vous vous rappelez, à l'école, vous avez vu les formules trigonométriques, des formules assez improbables, genre cosinus A plus B égale cos A cos B moins sin B. Je vous ai mis dans le dossier comment, avec les nombres complexes, on retrouve les formules hyper rapidement, en fait, pour vous montrer que c'est quelque chose qui, en plus, était très puissant et permettait de résoudre des équations ou de retrouver des résultats très très rapidement, était très très simplement, beaucoup plus simplement que la méthode sans les utiliser. Est-ce que ça simplifie, je confirme, ça simplifie mais énormément la vie. Enfin, je veux dire, à partir du moment où on a ça, on insulte tous les gens qui ont voulu vous faire apprendre par cœur les formules de trigo avant, quoi. Il y a ça, et puis même de manière plus générale, pour tout vous dire, ça je l'ai découvert dans un autre livre, j'en parlerai pas parce que je ne l'ai pas retrouvé, où il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps, c'était tellement utile que les gens, quand on leur donnait une équation avec un x, par défaut, ils supposaient que cet x-là était complexe. Il fallait leur préciser qu'il était réel. Donc c'est quelque chose... Par comparaison, enfin je sais pas, si puisque tu as parlé des nombres négatifs avant... Ouais. Je trouve que la comparaison marche assez bien, c'est-à-dire que je pense que pour tout le monde, tous les gens qui écoutent actuellement l'émission, les nombres négatifs sont tellement plus un problème que si on leur dit on a une équation à résoudre, on cherche un nombre, ça va paraître naturel à tout le monde de penser que ce nombre peut être négatif. Et ça va pas les coincer. Et c'est exactement du même ordre le fait d'utiliser le complexe. On n'est plus coincé, on ne se pose pas de questions, donc c'est évidemment le cadre dans lequel on se place. C'est pas dans certains cas il y a une solution, dans certains cas il n'y a plus, quoi. Voilà, ça je vais y venir, hein, de toute façon. Bon, et reste qu'à ce stade, ce que vous pouvez croire, malgré ce qu'on essaie de vous convaincre avec Robin, c'est que le nombre imaginaire, c'est qu'un truc amusant qui ne sert pas à grand-chose, sensation que vous devez sans doute avoir souvent dans mes dossiers ou dans les dossiers de Robin. Ben, en fait, comme on va le voir, c'est ce que disait Robin là, les nombres complexes ont une interprétation géométrique très forte et très élégante, qui fait que non seulement ils sont extrêmement utiles, très puissants, et surtout... qu'en fait, ils ont une interprétation géométrique bien plus forte qu'elle n'a jamais pu avoir le zéro ou les nombres négatifs. À tel point que, alors ça c'est une interprétation personnelle, je me demande si on avait donné cette interprétation géométrique aux Grecs, ils n'auraient pas accepté d'utiliser ce genre de truc beaucoup plus que le zéro, où ils ont eu énormément de mal à l'accepter, quoi. On va y venir tout de suite. Alors tout ça, pour cette interprétation géométrique, il a fallu une idée qui paraît toute bête, mais reste qu'il fallait l'avoir, et qui révéla toute la beauté de la chose. Donc, si on résume où on en est, pour comprendre un peu ce qui se passe, on se trouvait avec un nombre imaginaire et surtout avec des nombres complexes. Alors, un nombre complexe, qu'est-ce que c'est ? Parce que depuis le début, je fais un peu l'amalgame entre les deux. C'est assez simple, c'est on prend les nombres réels, les nombres classiques, et on additionne un nombre réel classique et un nombre réel fois le nombre imaginaire. Par exemple, 3 plus 4 fois le nombre imaginaire, 3 plus 4i, 5 plus 7i, 5 plus 7 fois le nombre imaginaire. C'est-à-dire c'est la somme d'un nombre réel et d'un nombre qu'on va appeler imaginaire parce que c'est i fois un autre nombre. Alors, comme on ne voyait vraiment pas comment marier un nombre usuel et un nombre imaginaire, un nombre usuel comme 5 et un nombre imaginaire comme 7i, ben, un certain Wessel et en fait sans doute d'autres personnes un peu à la même époque ont eu l'idée de les représenter sur le plan. C'est-à-dire de se dire, eh ben, on va mettre les nombres réels sur l'axe horizontal et les nombres imaginaires sur l'axe vertical. C'est-à-dire que le nombre 5, ben, vous imaginez un axe horizontal comme quand vous représentez sur un plan, quoi. Vous imaginez, quand vous avez le plan d'une ville, vous avez les A, B, C, D, E, F, 1, 2, 3, 4, 5. Ben, en horizontal, vous avez A, B, C, D, E, F, vous allez mettre le 5 sur cet axe. Et le 7i, vous allez le mettre sur l'axe vertical. Et donc, quand vous avez 5 plus 7i, ben, vous l'avancez à droite de 5 et en haut de 7, et vous l'avez sur le plan quelque part. C'est clair l'explication ou pas ? C'est le truc un peu visuel, un peu compliqué, quoi. La bataille navale. La bataille navale. C'est ça, c'est-à-dire que la bataille navale, quand on est en A7, c'est génial la bataille navale comme exemple, quand on est en A7, c'est l'équivalent en nombre complexe de 1 plus 7i. 1 à droite et 7 en haut, quoi. Et alors, pourquoi ça change tout ? Ben, ça change tout parce que d'abord, ça donne un sens à i. Ça dit, bah, le i, c'est un point sur l'axe vertical. Donc déjà, c'est un peu plus rassurant, on n'est pas sur un truc bizarroïde. Mais surtout, ça donne un sens à multiplier par i. C'est-à-dire que si on prend un nombre réel, 5, et qu'on multiplie par i, ça donne 5i. Ça veut dire qu'il passe de l'axe horizontal à l'axe vertical, comme si on avait fait une rotation de 90 degrés. Et c'est pas qu'une impression sur un exemple, hein. Si vous vous rappelez, la définition du nombre imaginaire, c'est que au carré, ça fait moins 1. Et qu'est-ce qui se passe si on fait deux rotations de 90 degrés ? Eh bien, ça fait une rotation de 180 degrés, c'est-à-dire que par rapport au centre, ça amène un point à son opposé. C'est comme si on avait fait moins 1. Et alors là, tout devient logique et tout s'explique naturellement. En fait, les nombres complexes, multipliés par un nombre complexe, c'est faire une rotation sur le plan, et le nombre complexe, c'est un point du plan. Et alors là, il se passe un truc assez délirant, et quand vous vous mettez à faire des calculs, c'est là où disait, ce que disait Robin, c'est que ça change tout au niveau facilité. Vous remplacez des transformations, des rotations, des trucs un peu compliqués à écrire, surtout quand vous les écrivez sur le plan, en 2D, quoi, par un truc qui est juste une multiplication par un nombre. Vous dites, je veux faire la rotation de 30 degrés, très bien, je multiplie par tel nombre, ça fait une rotation de 30 degrés. C'est clair jusque-là. Bon, le truc, c'est qu'on est entre nous, entre personnes qui connaissent le sujet. Je ne sais pas dans la chatroom, mais voilà. Enfin, moi, c'est un truc que je trouve vraiment, vraiment épatant sur ce côté. On a écrit les rotations avec des nombres, quoi. Et à partir de là, il y a plein d'équations qui deviennent évidentes. Si je vous reparle des polynômes affreux qui nous faisaient peur tout à l'heure et que je vous dis, on va essayer de résoudre le polynôme x au cube égale 1, c'est-à-dire x fois x fois x égale 1. C'est-à-dire, en pensant en rotation, j'applique trois fois une rotation et ça donne 1, c'est-à-dire pas de rotation, la rotation d'angle 0. Ben, quelle rotation, quand on l'applique trois fois, donne une rotation d'angle 0? Ben, c'est une rotation qui, quand on fait trois fois l'angle, ça fait un multiple de 360 degrés. Donc c'est soit une rotation de 0 degré, parce que 3 fois 0 degré, ça fait toujours 0 degré, soit une rotation de 120 degrés, parce que 3 fois 120 degrés, ça fait 360 degrés, soit une rotation de 240 degrés, parce que 3 fois 240 degrés, ça fait 720 degrés, qui est 2 fois 360 degrés. Donc, on a trouvé les trois solutions. On a trouvé trois solutions à l'équation x au cube égale 1, qui se traduisent en trois nombres complexes que je ne détaille pas ici, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et d'un coup, on marie la géométrie avec de l'algèbre. Alors, voilà, bon, c'était un peu sur ça où je voulais en venir, et en particulier, le truc qui m'avait motivé à faire ce dossier, c'était Alan, où il me demandait s'il y avait eu une invention de nombre, c'est ce que je vous disais dans le pitch la semaine dernière, aussi importante que depuis le zéro. Et pour moi, clairement, les nombres complexes changent tout. Et on va voir aussi pourquoi ils changent tout et pourquoi ils servent à quelque chose. C'est que une fois que vous les avez goûtés, une fois que vous les avez utilisés, vous ne pouvez plus vous en passer. Vous pouvez écrire les rotations comme des nombres. Vous pouvez faire toutes les opérations dans le plan, tout ce qui est des rotations, des transformations, juste avec des nombres. Et ce n'est pas tout. Parce que maintenant, on va se poser quand même une question, c'est est-ce que ça sert vraiment à quelque chose ? Parce qu'on a vu que c'est joli, c'est rigolo, ça permet de faire des calculs plus rapidement, mais est-ce que vraiment des gens s'en servent ? Et là, c'est là où je suis toujours amusé de voir qu'il y a autant de personnes qui pensent que les nombres complexes sont un truc obscur, qu'on les force à apprendre en terminale S pour ceux qui ont fait la terminale S, et qui ne sert à rien. Parce qu'en fait, un peu comme la transformée de Fourier dont on va reparler tout de suite, je suis pas sûr de voir une application dans laquelle une application où on pose des calculs, quoi. Donc c'est là où je sors peut-être un peu la biologie, et où ils n'interviennent pas. Ils sont indispensables en électricité, en traitement d'image, ou même dans les équations de la relativité générale. Et c'est pas un hasard tout ça, en fait, parce que ces nombres-là manquaient. Et quand je dis manquaient, c'est pas au sens intime, hein, c'est au sens mathématique. C'est-à-dire que quand on fait des sciences ou qu'on essaie plus généralement de résoudre un problème à l'aide d'équations, on est amené à opérer à des additions, des soustractions, des multiplications avec la fameuse inconnue x. Si bien qu'on se retrouve très vite avec les fameux polynômes dont je vous parlais au début, avec des puissances de x. Or, ces nombres, les nombres qui paraissent usuels, avec seulement ces nombres-là, sans utiliser nombres complexes, des fois on n'a pas de solution. Si vous prenez par exemple justement x au carré égale moins 1 comme équation, avec les nombres usuels, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Robin, il n'y a pas de solution. Si on fait un nombre négatif fois un nombre négatif, ça fait un nombre positif. Un nombre positif fois un nombre positif, ça fait un nombre positif, donc il n'y a pas de solution. Et si on rajoute on peut rajouter le nombre complexe i. Alors là, on peut se dire, oui, très bien, si on rajoute on rajoute un nombre à chaque fois qu'il nous manque une solution, on n'est pas sorti. Sauf que juste en rajoutant ce nombre-là, et en prenant tous les nombres qui sont obtenus, donc en prenant un nombre réel plus un nombre imaginaire, eh bien, toutes les équations polynomiales ont en fait une solution, au moins. C'est le théorème fondamental de l'algèbre qui dit toute équation polynomiale a au moins une solution dans les nombres complexes. Alors là, juste pour savourer un peu la beauté de la chose, pour ceux qui ont vu un peu des maths ou voire même qui sont passés par l'école, quand on vous donne un théorème, en général, on vérifie 50 hypothèses et puis on vous donne un résultat. Là, c'est juste toute équation a une solution, bisous. Point barre, pas besoin de rajouter autre chose. Ce qui veut dire que là, on a obtenu un ensemble de nombres qui est complet. C'est le terme mathématique, il admet des solutions à toute équation. On n'a pas besoin d'en avoir plus. Si je peux me permettre, c'est un peu mieux que ça. C'est toute équation polynomiale, tout polynôme de degré. Enfin, je ne sais pas si tu voulais en parler après. Mais... Bah, non, je ne voulais pas en parler après. J'avais hésité à le formuler comme ça. Alors, je vais être obligé parce que Robin. Pardon, excuse-moi, ça va être un peu plus compliqué. Oui, c'est un peu plus fort que ça, mais c'est plus fort et plus compliqué à expliquer. Mais en effet, c'est que c'est plus fort que ça. On a envie que ce soit ça qui se passe, quoi. Je veux dire. Il se passe exactement ce qu'on veut qu'il se passe. Voilà. C'est que, en gros, donc je voulais pas, on va faire une petite aparté, c'est un peu plus compliqué. Quand on a un polynôme et qu'on y trouve une solution, eh ben on peut factoriser, entre guillemets, par cette solution. Et donc, on se rend compte assez facilement, si vous vous posez un peu la question, que quand on a un polynôme de degré 5, on n'arrivera pas à trouver plus de 5 solutions. Ça crée des situations qui sont incohérentes. Donc, on se rend bien compte qu'il y a une limite maximale qui est 5 solutions. Et ce que dit en fait le théorème fondamental de l'algèbre, c'est qu'il y a non seulement au moins une solution, mais qu'en fait on les a toutes. Et alors là où je voulais pas y revenir, c'est que c'est pas aussi simple que ça, c'est que parfois on les a toutes, mais elles se répètent un peu. C'est-à-dire que les 5 solutions, ça peut être 5 fois la même. Oui, d'accord. Voilà, c'est ça qui... Mais fondamentalement, quand même, pour un polynôme de degré n, il y a n solutions, c'est exactement ce qu'on voulait. Il y a n solutions et on les a. Et on les a toutes là-dedans et il n'y a pas besoin d'en chercher plus. Quoi. On savait qu'on ne pouvait pas en avoir plus et là, on sait qu'on les a toutes. Bon, et alors ça, c'est un élément qui est essentiel parce que ça veut dire qu'une fois que vous travaillez dans les complexes, vous savez qu'il y a des solutions, donc autant travailler dans les complexes et vous savez que vous les avez toutes. Donc comme ça, plus besoin de s'embêter. Hein. Et quitte après à se dire bah, « toutes les solutions sont complexes, donc je n'ai pas de solution réelle ». Et l'autre élément qui fait qu'ils sont énormément utilisés, bah, c'est ce que je vous ai dit, c'est qu'ils sont liés aux rotations. Et en fait, le fait qu'il soit lié aux rotations, bah, c'est par hasard du coup qu'on ait la formule de l'air dont je parlais tout à l'heure qui fait qu'il soit lié aux sinus et aux cosinus, c'est-à-dire aux ondes. Et bah, ça les rend du coup très très très utiles dès qu'on a affaire à des ondes, à des trucs qui ondulent, à des trucs qui sont fort, faibles, c'est-à-dire de la musique, c'est-à-dire des rayures dans une image. Or, ou si vous vous rappelez mon épisode sur la transformée de Fourier, bah, on peut tout décomposer dans des ondes. Donc en fait, les ondes sont utilisées partout, donc bah, en fait, les complexes sont utilisés au moins dans tous ces endroits aussi. Donc voilà, tout ça pour dire qu'on a ce truc-là où on sait qu'on a toutes les solutions des équations polynomiales et que ça va nous faciliter la vie dès qu'on aura des ondes et qu'avec la transformée de Fourier, on a des ondes partout. Donc en fait, juste en rajoutant ce petit nombre, ce petit truc qui paraissait complètement improbable, la racine carrée de moins 1, ben... On s'est complété notre outil et puis on s'est donné un outil avec une force imparable. C'est-à-dire que dès que vous avez un problème de géométrie à résoudre dans le plan, le seul truc qui vous reste à faire, c'est de choisir par quel moyen vous allez le résoudre. Tellement il y a de solutions avec les complexes. Mais bon, donc du coup, tout ça pour dire que vous le saurez maintenant et vous pourrez en parler autour de vous pour ceux qui n'en étaient pas convaincus. Il ne faut pas être étonné que ce qu'on disait tout à l'heure, il y a quelques dizaines d'années, on ne précisait même pas quand on avait une équation, ben on parlait des complexes. On ne se limitait pas au réel. Voilà. Et c'était tout ce que j'avais prévu, parce que je voulais faire un dossier court, comme il y avait des équations, etc. Quoi. Et oui, ça serait comme se limiter au nombre entier, ce qui est un domaine de recherche entier très très compliqué. Mmh. Chercher les solutions seulement celles qui sont entières. Ouais. Tout d'un coup, le problème devient extrêmement compliqué. C'est ça. Et aussi, alors un autre élément là-dessus, c'est que par rapport aux formules magiques dont je vous parlais tout à l'heure, je vous rassure, on s'est quand même arrêté au bout d'un moment parce qu'après, on a démontré, je ne sais plus à partir de quel degré qu'il n'y en avait plus hein, de formules magiques. 5. À partir du degré 5, voilà. On n'a plus de formules magiques, c'est-à-dire plus de formules avec des racines carrées, des divisions, des multiplications, etc. C'est marrant parce que le nom, enfin, puisque tu as fait un dossier court, je sais pas, je me permets, même ouais, si j'ai pas révisé mon sujet. C'est fait pour ça. Je voulais pas, en fait, mais en fait, c'est vrai que sur les nombres complexes, je pensais qu'il y aurait plus d'éléments historiques. Il y en a finalement assez peu parce que c'est apparu à plein d'endroits, mais ça n'a pas eu une belle histoire romanesque d'apparition. Pas Bah, comme moi, là. je trouve qu'il y a des choses. Enfin, des choses. Mais après, il y a beaucoup de J'en choses. avais parlé dans mon. Sauf erreur, je crois que j'en avais parlé. C'est pour ça que je ne veux pas trop forcément re-raconter exactement ce que j'avais raconté, mais Après, il y a dans beaucoup de choses mon très dossier sur calculées. l'origine des objets mathématiques. Ouais. Il y a beaucoup de choses très calculatoires après. C'est pour ça que j'ai Et pas voulu rentrer. ouais. Moi, il y a un truc que j'ai trouvé joli, c'est le passage des nombres imaginaires aux nombres complexes. Mais je sais plus, encore une fois, si j'en avais parlé, je sais pas si tu te rappelles ou Bah, pas. reparles-en. De toute façon, c'est un dossier sur les complexes, alors c'est fait pour Mais ça. ouais, donc ça aura sa place. En fait, ce que je trouve très, très intéressant, très joli, c'est de dire que à la base, c'est ce que tu disais, c'était des trucs bizarres, des trucs, bon, juste, on s'en sert, mais non, non, non, mais vous inquiétez pas. D'ailleurs, tu as dit nombre tout à l'heure, c'est un nombre bizarre. Non, non, c'est pas un nombre bizarre, c'est un Un truc, machin, ouais. un truc qu'on se permet d'écrire. Mais vous inquiétez pas, ça se soustrait à soi-même, ça se balaye sous le tapis de soi-même. Et puis quand c'est pas le cas, et ben tant pis, c'est raté, mais c'est pas gênant, on n'en dira rien. Et quand même, ça c'est un truc sympa. Et donc à la base, c'est ça, c'était des nombres imaginaires. On a fini par les appeler des nombres imaginaires, parce que vraiment, ça veut rien dire, etc. Et puis après, donc c'était des racines carrées de nombres négatifs. Et après, ce qui s'est passé, c'est que dans des calculs, notamment les équations de degré 4, des choses comme ça, on pourrait se retrouver avec des racines carrées, deux racines carrées de nombres négatifs. Et donc on dit, ouais, bon, voilà, ça c'est encore des saloperies, des trucs. Ça ressemble encore moins à quelque chose que les racines carrées de nombres négatifs, mais au point où on en est, on s'en fiche. Des fois, ça se soustrait l'un à l'autre, ça disparaît, c'est très bien. Et en fait, ça, c'était les nombres imaginaires, c'était tout ce qui n'était pas nombre, en fait, tout ce qu'on ne pouvait pas écrire, ce qui n'existait pas vraiment. Et là où c'est devenu les nombres complexes, c'est le jour où, alors le problème, c'est que là, j'ai pas révisé, ça doit être d'Alembert, je crois, a démontré que en fait tous les nombres imaginaires pouvaient s'écrire sous la forme que tu as donnée, c'est-à-dire la forme d'un nombre complexe, c'est-à-dire a plus ib, un nombre réel, plus i fois un autre nombre réel. Et qu'en fait, il suffisait d'avoir racine carrée de moins 1 pour avoir tous les nombres imaginaires. C'est-à-dire que même les racines carrées de racine carrée de racine carrée, eh ben, en fait, on peut les écrire sous la forme d'un nombre négatif, on peut les écrire sous la forme un nombre réel plus racine de moins 1 fois un autre nombre réel. Et là, du coup, ce qui est bizarre, c'est que ça prend le nom de nombre complexe au moment où ça se simplifie, au moment où on comprend comment c'est foutu. Mais parce que c'est pas de complexe dans le sens compliqué, c'est dans le sens composé, composé de deux morceaux. Et c'est de là que ça a changé, c'est passé de nombre imaginaire à nombre complexe, dans le sens nombre composé. Alors, et tant Avec la qu'on. partie réelle et la partie imaginaire. Ouais. Bon, ça, je le connaissais pas, j'avais zappé le moment où tu en avais parlé, mais c'est vrai que c'est hyper intéressant. Mais tout comme le fait de J'aime assez, ouais, ce, ouais. le fait de le Où en représenter fait, sur. l'objet, quand tu dis découverte, construction, c'est assez rigolo. Au début, c'est ni une découverte ni une construction. C'est un machin dont on se sert, mais qu'on ne considère pas du tout comme un objet existant. Et après, finalement, voilà, on se retrouve avec quelque chose qui a vraiment. Une fois qu'on a compris son fonctionnement, on va s'en servir. Ouais, parce que c'est d'une efficacité redoutable en fait. Et Et on découvre que la structure est simple. c'est ça. Et en plus, l'explication géométrique est vraiment très très élégante, à tel point en fait que des gens se sont dit, c'est génial d'avoir ça pour les opérations dans le plan, on va essayer d'avoir ça dans l'espace. Pour toutes les opérations dans l'espace, pour des nombres qui représenteraient les rotations dans l'espace. Et il y en a qui ont réussi à le faire, plus ou moins, parce que c'est pas dans l'espace, c'est en dimension 4 en fait, et ça s'appelle les quaternions, c'est-à-dire que cette fois-ci, au lieu d'avoir un nombre imaginaire, on en a trois. On a i, j et k qui sont tous au carré égal à moins 1 et qui ont des opérations entre eux. C'est beaucoup moins utilisé, mais bon, bah, ils ont réussi à le faire et il y a des nouvelles. Mais par contre, on perd des propriétés et on arrive à monter jusqu'aux octonions. Alors, ce qui est assez amusant et très très étonnant, je vais pas développer là-dessus. Je crois que LGJ en a fait des articles assez rigolos, enfin, avec ce genre d'humour en tout cas. C'est que donc on l'a en dimension 2, c'est les nombres complexes. On l'a en dimension 4, c'est les quaternions. Et on l'a en dimension 8, c'est les octonions. Et c'est tout. Et en gros, en dimension 4 avec les quaternions, on n'a plus le droit de commuter, c'est-à-dire quand on fait A fois B, c'est pas égal à B fois A. Et en fait, c'est assez logique si vous réfléchissez, les rotations en trois dimensions. Si vous imaginez votre bras avec votre coude qui monte et votre épaule, entre guillemets, qui fait une rotation dans l'autre sens, et que vous essayez de faire l'un dans un sens et un autre, en fait, ça va être un peu compliqué avec votre bras. Bon, bref, ça commute pas. Et quand on est en dimension 8, on perd encore une propriété qui fait que là, on peut quasiment plus faire de calcul facilement, quoi. Et donc, c'est en dimension 2 que c'est vraiment. Passionnant, quoi. Parce qu'il y a eu quelques commentaires de Ouais. LJJ, donc qui précisaient que le terme complet ne correspond pas à ça en maths, et qu'on dit plutôt algébriquement clos. Ah oui, j'ai dit une connerie, oui. Voilà. Ouais. Oh, oui, tout à fait. Ah merde. Et ensuite, il nous disait qu'il y a quand même l'histoire de Tartaglia qui est un peu romanesque. Oui. Vous nous la racontez, Robin? Oh bah oui, on peut la raconter. Tu veux raconter, Nico ou... Vas-y, tu la raconteras mieux que moi. Ouais, bah, faut que je m'en souvienne. Attends, j'ai pas révisé. En gros, c'est parce qu'il y a eu un concours, sauf erreur. Alors, je sais plus qui veut qu'on raconte Tartaglia, mais faut me corriger si je dis des conneries. Mais a priori, de mémoire, c'est ça. Il y a eu En fait, les équations de degré 2, ça faisait un moment qu'on savait les résoudre. Ça, c'est ouais, les mathématiciens arabes, globalement, ont torché le problème. Et par contre, les équations de dimension 3, de degré 3, pardon, les polynômes de degré 3, trouver les solutions, résoudre les équations polynomiales de degré 3, c'était vraiment un gros problème à cette époque-là. Et c'était un vrai gros défi, c'était de la vraie recherche pour chaque équation, c'était un problème à cette époque. Et en fait, il y avait un concours, enfin, se lancer plus ou moins des concours, tiens, cette équation-là, qui peut trouver la solution, qui peut trouver la solution. Et en fait, Tartaglia était un mathématicien, alors sauf erreur, il était nain, il était bègue. Il devait s'en être pris plein la gueule, je sais plus, il devait avoir encore autre chose au moins. D'ailleurs, Tartaglia doit vouloir dire beg, je sais pas si quelqu'un qui parle en italien, mais quelque chose comme ça. Et il était très fort à ce jeu-là, c'est-à-dire qu'il envoyait les solutions très, très rapidement. Et l'idée, c'est que donc, c'est Cardan qui est allé le voir en lui disant « Mais dites donc, comment vous faites, monsieur? Oh là là, vous êtes trop fort, tout ça, pour résoudre les équations de degré 3 si vite. » Et Tartaglia aurait fini par lui lâcher le morceau en lui faisant jurer de jamais donner le truc, a fini par lui dire bah, « J'ai trouvé une technique qui marche à tous les coups, qui n'a plus qu'à appliquer bêtement, etc., qui fonctionne pour toutes les équations. Mais vraiment, je ne vous la donne pas. Bon, si je vous la donne, vraiment, vous le dites à personne, parce que je continue à garder les concours, gagner les concours, je suis content, tout ça. » Et Cardan promet, Tartaglia lui apprend, et Cardan publie juste après un bouquin avec la méthode. Donc ça c'est pas classe, et Tartaglia évidemment est furieux, et Cardan se justifie en disant oui mais non, mais parce qu'en fait j'ai rencontré quelqu'un d'autre qui connaissait aussi déjà, qui avait trouvé par lui-même la méthode, qui s'apprêtait à le publier, donc de toute façon c'était connu, c'était plus la peine, etc. Donc c'est une histoire sordide où Cardan n'est pas spécialement à son avantage et Tartaglia s'en prend plein la gueule. Je sais plus qui est l'autre mathématicien qui effectivement c'est a publié Del Ferro. Del Ferro, voilà, qui a publié au même moment la même méthode qui a publié son coin. Voilà. Et en fait, apparemment, bêtise. Quand même, Cardan avait attribué la découverte à Tartaglia. Ah, quand même, il a dit que c'est lui. Mais voilà. Enfin, il l'a publié quand même, ce qui est quand même... Voilà, ça, mais... Ça, c'est pas trop. Exactement. Il a quand même trahi. Ouais, voilà. Il a quand même... Alors, bon, voilà. En plus, quand on en rajoute sur Tartaglia, qui avait beaucoup de problèmes dans la vie, c'est voilà. C'est pas cool. Et il y a Ewi qui nous dit, il y a l'histoire d'Adrien Douadi. Je sais pas si vous connaissez. Ah bah Douadi, je connais Douadi, mais je sais pas ce qu'il a comme histoire. Lui, c'est un mathématicien contemporain, hein, donc je sais pas ce qu'il a à voir dans l'histoire. Et bah je sais pas, peut-être que Ewi pourra nous donner Falloir nous préciser là. Alors, j'ai vu que apparemment Marcus Dussautoir raconte autre chose que moi dans son bouquin, c'est possible. Pourquoi tu l'as lu? Non, il y a David Borrero qui dit qu'il raconte pas la même chose. Bon, de toute façon, là, c'est cool qu'on ait plein de réactions et qu'on ait un peu de temps parce que, en fait, je me suis tâté un moment pour faire ce dossier et je pensais trouver plus de sources historiques et compagnie que finalement ce que j'ai trouvé. Parce qu'en fait, je me suis dit non, mais les nombres complexes, on va pas faire un épisode sur les nombres complexes, c'est évident, tout le monde sait ce que c'est que les nombres complexes, et c'est au fil de discussion qu'avec des non-scientifiques ou même des gens comme Malan qui ont quand même une culture scientifique pas négligeable, que je me suis rendu compte qu'en fait, non, tout le monde savait pas que les nombres complexes étaient aussi utiles et ce que c'était, et donc. En fait, si c'est très utilisé, c'est connu par plein de monde et c'est pour ça qu'on a une chatroom qui sait plein de trucs que dont j'ai même pas parlé, quoi. Alors c'est rigolo parce que tu parlais des nombres à propos, parce que alors, en fait moi je connais deux trois trucs, les trucs que je connais essentiellement ça remonte à mes cours d'histoire des maths que j'ai eu pendant mes études, ça fait un petit bail. Et j'avais lu des bouquins à cette époque-là, je m'étais renseigné, j'avais eu des cours tout ça, donc voilà. Et celui dont j'avais vraiment retenu le nom à propos de la représentation des nombres complexes sur le plan, c'était Argan. Là, je viens de... Je sais pas, t'as pas du tout entendu parler de lui Enfin, j'ai pas de mémoire des noms et ça me dit quelque chose de nom, mais et en je fait, pas dire. voilà, bah là, je viens juste de taper, de chercher son nom et on parle du plan. Voilà, le plan vu comme ensemble des nombres complexes est parfois appelé plan d'Argand. Donc, a priori, c'est effectivement, il a publié une interprétation géométrique des nombres complexes comme point du plan. D'accord. Voilà. Et mais ouais. est-ce que c'était le premier? Est-ce que c'était le mieux? Est-ce que c'était, j'en sais rien, tu vois. Enfin, Alors, en tout on cas, a. je me souvenais que moi, on m'avait donné ce nom-là comme le premier, effectivement. D'accord. Mais en fait, ce que disent les bouquins que j'ai lus, en tout cas, ils disent que c'est un peu dur de dire le premier. Oui, de toute façon, c'est toujours dur, ça a rarement de Wessel, je sens. crois, est le premier pour les historiens officiels. Et ce qu'il disait, c'est que c'était un peu dans l'air du temps. Tout Oui, comme bien sûr. la première apparition de Racine de moins 1 n'est pas très claire. C'est apparu à plein Dans un d'endroits, prénom. par plein de Oui. monde, et juste. Il y en a peu qui l'ont assumé, quoi. Oui, deux mots, parce qu'il y a David qui nous dit, tu vas parler de l'apport des complexes pour la physique. Pas en détail, non. Parce qu'en fait, ils sont tellement utilisés partout que c'est un peu compliqué d'en parler. Ce que je peux dire, c'est que c'est énormément utilisé. En fait, pour tout vous dire, ce qui arrive très régulièrement en physique comme ailleurs, c'est qu'on a un problème qui est réel, parce qu'en fait, dans le monde réel, on n'a que des nombres réels, au sens où si on mesure une intensité de courant, par exemple, on ne trouve pas, bah, vous avez 30 I ampères de courant, non, on trouve une intensité de courant. Alors, I veut dire intensité, justement, en physique, on appelle ça J, le nombre complexe, à titre informatif. Mais ce qu'on fait en général, c'est qu'on rend complexe le problème. C'est-à-dire qu'imaginons qu'on ait un courant alternatif, comme vous avez dans vos maisons, qui va être une sinusoïde, donc un cosinus qui évolue dans le temps. On va le transformer en ce qu'on appelle une onde complexe, c'est-à-dire justement une exponentielle à la puissance ix, dont je vous parlais tout à l'heure. Parce que ça va tout simplifier, en fait, et qu'on va pouvoir faire beaucoup de calculs en complexifiant le problème. Alors c'est là où ça devient amusant, c'est qu'on complexifie le problème pour le simplifier. C'est ça, on le rend complexe pour le rendre simple, c'est ça, les mots sont mal choisis parfois. Et donc, c'est pour ça que je ne vais pas parler en détail, mais c'est utilisé partout. La plupart des équations que vous connaissez, enfin dont on a pu en parler à droite à gauche, que ce soit en électromagnétisme, en relativité, en fait, font intervenir des grandeurs complexes. Un truc amusant pour la relativité, c'est que c'est pour le temps. Pour le temps, ils ont eu besoin des complexes. Parce qu'en gros, ce qui se passe dans les équations de la relativité, ça allait dans les détails, c'est qu'on a besoin d'un signe moins devant la valeur de temps dans l'espace-temps. Et pour faire apparaître un signe moins quand on élevait au carré cette valeur de temps, ben on n'avait pas d'outil. Et il s'est trouvé que les nombres complexes étaient assez pratiques. Et donc on a le temps et une grandeur complexe dans la relativité générale. Enfin, dans la relativité même restreinte, je crois. Il n'y a pas besoin de dire générale, il me semble. Ouais, mais c'est vrai qu'en fait, en physique, c'est un outil de calcul, quoi. Enfin, pour Mais simplifier le. comme en maths, en fait. Mais c'est en Oui, fait oui. tout ce qu'on fait, même les opérations de géométrie dont je vous parlais, on peut les faire sans les complexes. C'est juste qu'on va souffrir deux fois plus, quoi. Ouais, tu te demandes pourquoi tu Mais l'apprends pas tout de suite, quoi. t'as le droit. C'est Eh non, non, mais c'est vrai. Enfin, quand je parlais de la trigonométrie, c'est la caricature, mais c'est vrai. Ah, mais Enfin, ouais. c'est pour ça que je l'ai mis dans le dossier. J'aime pas mettre des équations, mais là je l'ai mis parce qu'en trois lignes, tu redémontres les équations de la trigonométrie. Alors tu admets le côté exponentiel complexe, mais en trois Oui, lignes, ça. tu redémontres ces équations affreuses. Alors que en trois lignes, quoi. Ce que ça, pour le coup, ce qui est dément, c'est effectivement de te dire, je vais oser essayer de donner un sens à E puissance I, quoi. Enfin, ce qui est. Ouais, et ce que je vous passe, c'est que en fait, on peut le faire. On peut le faire pour pratiquement toutes les fonctions comme ça mathématiques. C'est-à-dire, on peut aussi parler du cosinus d'un nombre complexe, de tous les trucs dont vous avez pu entendre parler en maths. Il y a des gens qui ont essayé de foutre des nombres complexes. Alors, faudra qu'on en parle un jour des séries. C'est-à-dire, pour faire ça, il y a derrière toute une théorie des sommes infinies qui permettent de mettre les nombres complexes n'importe où. Ah vache, tu voulais éviter les équations, Mais ça va être justement, je vais pas en parler compliqué. là. Non, mais les séries, ce serait cool d'en parler un jour. Et je pense qu'on peut parler de séries sans trop parler d'équations, parce que là, enfin, il n'y a pas d'équations en fait. Il y a juste des signes bizarroïdes là, le grand sigma, mais qui impressionne quoi. Mais en gros, oui, il y a des gens qui en ont foutu partout, et ça s'est rendu, et partout où ça a été mis, ça s'est rendu utile en fait. Ouais, y a encore LJJ qui nous précise donc que d'après sa prof d'histoire des sciences de l'époque, la première interprétation géométrique des complexes est due à Wessel, comme tu disais, et due à la pure sérendipité. Alors je ne sais pas si tu en as parlé ou pas. Alors, non, j'en ai pas parlé en détail parce qu'il y avait peu de détails dans ce que j'ai lu, mais oui, enfin, il cherchait à faire quelque chose qui avait rien à voir, et puis il est tombé sur l'algèbre complexe, quoi. Voilà, donc il disait algébriser les vecteurs. ça parlera peut-être pas. Et algébriser les vecteurs, c'est exactement ça. C'est-à-dire, enfin, faut se rendre compte que normalement, je ne sais plus à quelle époque de la formation à l'école on touche les vecteurs. Mais donc les je vecteurs. Pense, en S. Ouais, donc si on ne le touche pas, pour les non-S, en gros, un vecteur, c'est quelque chose qui a une composante en abscisse et en ordonnée. C'est vraiment la bataille navale, quoi. C'est A7, ben, y a le A et il y a le 7, quoi. Et dès qu'on veut faire des calculs là-dessus, savoir que devient ce A7 dans le plan de la bataille navale si je le fais tourner de 30 degrés, c'est très compliqué en fait. Et c'est compliqué pour rien. On a l'impression que c'est tout con et on se retrouve à avoir des calculs très compliqués. Et avec les nombres complexes, on se retrouve à avoir en effet un truc simple, quoi. J'avais vu un truc passer, mais je l'ai Ouais, perdu. il y a LJ qui a mis un lien qui a fait un article sur les complexes. Donc on le mettra dans les notes qui s'appelle Parce que la vie est Ouais, complexe. il en a fait plusieurs en fait. Il en a fait aussi sur tout ce que je vous parlais, là, les quaternions, les octonions, il me semble. Et ouais, alors ce que dit David est assez rigolo. David fait une remarque en disant, d'ailleurs en prépa, c'est renversant. Cosinus d'un nombre complexe n'est plus entre moins 1 et 1. Genre le truc qu'on te rabâche au lycée quand on t'apprend un truc. Alors ça, c'est vrai que avec les nombres complexes, c'est un des premiers exemples, et en fait, ça se reproduit à chaque fois qu'on les met dedans, où on va vous dire, bah en fait, ce que vous saviez vrai, c'est plus tellement vrai, etc. Du genre, les équations du second degré qui n'ont pas de solution quand le déterminant est négatif, en fait, c'est pas vrai, elles ont des solutions, mais on ne voulait pas vous les montrer tout de suite. Et alors que ça simplifie, quoi, parce que c'est plus simple de dire, il y a toujours deux solutions, que de dire, bah parfois non, des fois oui, faut voir. Tout à fait. Bref, voilà, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres questions? Robin, d'autres choses? Bah, j'étais en train de me renseigner du coup sur Argan, mais bon, se renseigner pendant le dossier, c'est un peu compliqué pour en parler de façon réfléchie et construite. Mais apparemment, c'est-à-dire que lui, c'était un amateur et il est complètement, il a envoyé ça à Legendre. Et qui a envoyé ça à d'autres, etc. Et puis bah, c'est tombé dans l'oubli parce que c'était un mec qui connaissait rien. Puis finalement, il y a des gens qui ont fini par se souvenir de son texte et qui en ont sorti des trucs intéressants. Mais c'est probablement pour ça que c'est pas lui qui est cité, en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, il n'a pas eu de descendance directe. Après, finalement, ils ont retrouvé son texte et trouvé des trucs intéressants dedans. Mais c'était un amateur total qui a fait ça dans son coin sans connaître du tout les autres travaux. Et voilà. Sinon, pour parler un peu bouquin, parce que vous savez que c'est mon dada, pour préparer le dossier, j'ai lu entre autres deux bouquins sur l'histoire des nombres complexes que je ne vous conseille pas. Sauf si vous êtes vraiment au taquet sur les nombres complexes, que vous avez déjà écumé Wikipédia et que vous savez un peu faire des calculs, parce qu'il y a beaucoup d'équations pas très bien expliquées dedans. Et c'est dommage parce qu'en fait, on ne trouve pas grand-chose d'autre, même Wikipédia dans sa bibliographie, dans ce qu'il recommande, il n'y a pas vraiment d'autres bouquins sur les nombres complexes. Donc voilà, je ne sais pas si Robin, tu as d'autres sources. Alors juste pour le bouquin en question, c'est deux bouquins de Paul J. Nahin qui s'appellent An Imaginary Tale, The Story of E, The Square Root of Minus One. Et donc une, je ne sais pas quoi, je ne vais pas traduire. Et Dr. Euler, Fabulous Formula. Cures many mathematical ills. S'ils arrivent à me traduire, c'est incroyable. Autant dire que ce sera dans les notes de l'émission. Et on rappelle au passage, en parlant de l'air, que c'est un mathématicien suisse. Parce que quand même, on est dans Podcast Science. Je sais pas si tu connais d'autres bouquins, Robin, sur les complexes, mais moi j'ai été étonné qu'en fait, il n'y avait pas de beaux bouquins de Moi, diffusion. ça fait Enfin, très très longtemps que je me suis renseigné sur le sujet, du coup, j'ai plein de trucs que je connais en tête, mais je sais plus du tout où j'ai vu ça. d'accord. Comme pour beaucoup de sujets, c'est le Mais problème. ouais, j'ai pas vu un beau bouquin pour tout le monde, parce que ceux-là sont clairement C'est pas vrai que c'est pour tout le monde, surprenant quoi. qu'un Delahaye ou un Benedetto n'ait pas fait de truc dessus. Alors, je crois qu'il y a en français, il doit y avoir un truc de Belin Science quand même sur le sujet, pour être honnête, mais je sais plus. Et Ouais, ou qui est dans pas les... récent, qui doit être des années 90 en plus. Dans les trucs, les pommes du savoir, là, les machins comme ça, il n'y a pas des choses Bah, là-dedans. enfin, j'ai pas vu. Donc, si vous avez des idées, en tout cas, n'hésitez pas à Je sais proposer, pas, quoi. j'ai pas d'idée géniale sur le moment en tout cas. Robin? Passe au pitch. Psychose, névrose, troubles envahissants du développement, hallucinations, agnosie visuelle aperceptive. Oui, cela s'appelle commencer l'année drôlement étrangement. L'épisode 202 va donc tenter d'éclaircir au mieux ce que nous regroupons communément sous le nom de désordres mentaux. Oui, vous savez ce nom générique qui fait malheureusement peur. Triste peur de ce que nous ne comprenons pas, triste peur d'un comportement qui s'éloigne de notre standard, de notre normalité socialement acceptée. Il s'agira ici d'éclaircir ce vaste désordre, de lever au mieux les incompréhensions et confusions fréquentes, et ce, via les dernières données apportées par la psychologie expérimentale, clinique, les neurosciences cognitives et la génétique. Bah ça s'annonce sympa. Sympa, j'irais peut-être pas jusque-là, mais intéressant, oui, certainement. Et donc c'est un épisode par Clara, si je dis pas de bêtises, qui était déjà venue nous parler de neurosciences. Tout à fait. Voilà. Et qui est dans la chatroom. Et qui est dans la chatroom, qui a toujours un cerveau scanné dans la chatroom. On passe à la côte, parce que je crois que quelqu'un a fait son travail. Quelqu'un a fait son travail ? Ouais, il me semble. Non. Très bien. Mais qui aurait pu faire son travail ? Bon, finalement, j'ai deux quotes. J'ai viré la deuxième parce que c'est une quote d'un Français que j'ai en anglais et que j'ai pas trouvé en français, donc tant pis. D'abord, j'ai une quote de Robert Heinlein dans Starship Troopers. Autant dire que c'est une grosse, grosse source qui dit « Everything of any importance is founded on mathematics ». Tout ce qui a une quelconque importance est fondé sur les mathématiques. Extraordinaire, ce livre. Dans Starship Troopers, ça me paraît pas mal, non ? Est-ce que c'est dans le film ? J'en sais rien, en fait. Je croyais au début que c'était dans le film, mais comme ça date de 1959, selon là où je l'ai trouvé, a priori, c'est le bouquin. Parce que le film est plus récent, je crois. Et sinon, la deuxième, c'est une de Arthur C. Clarke. Je crois que c'est un auteur de science-fiction qui débute, il me semble. C'est ça, hein ? Ouais, c'est ça, je crois. Et qui c'est qui la lit, parce qu'elle est trop longue, là ? Ah bah, l'anglais, moi, je fais pas. Allez, je me lance. When a distinguished but elderly scientist states that something is possible, he is almost certainly right. When he states that something is impossible, he is very probably wrong. Quand un vieux mais réputé scientifique affirme que quelque chose est possible, il a très probablement raison. Il a sans doute raison. Quand, par contre, il affirme que quelque chose est impossible, il a très probablement faux. Je la trouvais très jolie, en fait. Ouais. Je la connaissais pas. Ouais, c'est pas mal. Enfin, va falloir y réfléchir longtemps, mais pourquoi pas. Ah, je pense que c'est assez vrai, en fait. Que les gens disent beaucoup plus facilement « c'est impossible ». Et par contre, quand ils disent « c'est possible », c'est juste qu'ils voient vaguement comment le faire, mais il est pas certain. Et donc, en fait, c'est largement possible, quoi. Et du coup, j'ai trouvé ta quote en français, si tu veux. Ah, donc c'est une quote de René Descartes, qui est assez bon esprit en disant « J'espère que la postérité me jugera bon, non seulement pour les choses que j'ai expliquées, mais aussi pour celles que j'ai intentionnellement omis de façon à laisser aux autres le plaisir de la découverte. Ouais. » Très sympa, je trouve. Mais quel branleur. Panache. Ah non, mais c'est un branleur. C'était un pote de Fermat, c'est exactement le même coup. « Oh, j'ai pas la place dans la marge et tout. » Non, mais franchement, c'est une équipe de « Oh là là, mais qu'est-ce qu'il y a ?» Trois côtes pour le prix d'une, quoi. Et des belles quotes, franchement. Ouais, ça j'ai intentionnellement omis. Je peux les garder pour les podcasts Science Awards. C'est ça. Bah, j'espère bien être dans les podcasts. Ah non, mais là, c'est le word de la mauvaise foi. On l'a refilé à Descartes, quoi. J'ai intentionnellement omis. Non, mais sans déconner. Ok. Julie, le quiz du mois ? Ben ouais. Donc, vous avez encore 15 jours pour participer au quiz du mois. On aura la réponse le 20 janvier à l'occasion du freestyle. Et donc, pour rappel, il s'agit de « Il faut se couvrir pour ne pas attraper froid, un faux ou un tox ». Voilà, on a eu plein de réponses, plein de participations, donc c'est cool. Et puis, si vous avez encore des idées, lancez-vous. En tout cas, moi, je veux bien la réponse parce que je suis assez en train d'attraper la crève. Ouais. Alors moi, j'ai fait du vélo sans écharpe et j'ai attrapé la crève. Donc, en tout cas, faire du vélo dans le froid, c'est pas fou. Ah, mais attends. Alors toi, non, alors genre le matheux qui dit « Moi, j'ai fait ça et donc j'ai eu ça, donc c'est un lien de cause à effet. » J'ai vu un mouton noir, mais... donc tous les moutons sont noirs. C'est ça. Ouais, exactement. Je vieillis, Robin. Les plugs ? Ouais. Alors, tu vires ingénieur, surtout, c'est ça qui me dit. Ouais, c'est ça. Ça fait longtemps. Il y a JB Le Mercier qui nous signale qu'il y a un pack disponible de photos de la NASA. Donc en fait, il y a 2400 photos, grosso modo. De quoi refaire son salon, quoi. Ouais, des photos magnifiques qui sont mises à disposition sous la licence. Alors, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est Creative Commons. Donc, vous pouvez les réutiliser du moment que vous mettez le crédit à la NASA et que vous ne faites pas d'argent avec. Mais voilà, donc on mettra les notes dans on mettra le lien dans les notes de l'émission. En fait, on peut les utiliser, mais on n'a pas le droit de faire de l'argent avec, je crois. Ouais, c'est ça. J'ai dit autre chose. Je croyais que tu n'avais pas précisé pour l'usage commercial. Mais je suis pas sûr. C'est ça. Tu ne peux pas faire d'argent avec, mais et il faut que tu mettes le crédit à la NASA. Ouais. Voilà. Bah, ça, c'est la base de Creative Commons, je crois. Exactement. Donc, voilà. Moi, j'ai parcouru rapidement et c'est vrai que ça vaut le coup et je pense que ça peut plaire à un paquet de monde. Tout Tout à fait. Merveilleux. Puis Nico, tu as un petit plug. Ouais, alors les plus observateurs ont remarqué que c'est l'émission 201. Donc il manque l'émission 200. C'est qu'en fait, on voulait marquer un peu le coup pour l'émission 200, même si on est tous sous l'eau et qu'on n'a pas le temps, on s'est dit c'est un peu con de ne pas marquer le coup. Et donc on s'est dit qu'on allait faire un peu comme l'émission 100, une rétrospective de ce qui s'est passé de l'émission 101 à l'émission 200. Parce qu'il s'est passé un sacré bout de choses, quoi. Parce que typiquement, quasiment tous les gens qui parlent dans le podcast, à part moi et Robin, ou presque, parce que Robin c'est un peu entre les deux, sont arrivés après la centième, quoi. Donc il y a pas mal de choses. Pour vous rappeler aussi qu'est-ce qu'il y avait de nouveau, enfin je vais pas teaser toute la 200e, mais les émissions radio dessinées n'existaient pas à la 100e. Donc on s'est dit qu'on allait faire une petite rétrospective avec les gens qui ont participé, avec ce qui était arrivé, enfin voilà, on vous prépare un petit truc. C'est à la fin du mois, la date, Julie. Le 24 janvier. Le 24 janvier, on va tâcher de faire ça en public, pour l'instant on sait pas trop où. Oui, oui, mais si vous êtes sur Paris, réservez voilà, la date. Réservez au 24 janvier, d'autant plus que vous, comme nous, pourrez découvrir en direct live Irène. Alors qu'on ne l'a jamais vue en vrai, même, on va la voir génial. En vrai. Donc c'est ça, c'est... On sera presque J'espère tous présents. Alors, on sera tous là, sauf Johan, non, si je dis pas de bêtises. Sauf Johan, ouais. T'espères donc, qu'elle n'a pas peur, Robin. Ouais, attends, on est tous là en train de dire « Ah, ça va être génial, votre part !» Donc ça va être incroyable, il y aura la remise en direct du Minitel de Robin, enfin ça va être une soirée inoubliable, quoi. Non, alors ça, je t'ai déjà dit, tu l'as même chez moi. Non. Vous pourrez peut-être voir Boson, avec un peu de chance. Enfin, voilà. Ouais. Non, mais donc on va essayer de marquer le coup le 24. Ce sera une sorte de radio dessinée parce que je pense qu'on va ramener les copains de Strip Science. On est en train de lancer des invites à tous les gens qui sont venus de près ou de loin dans le podcast. On espère qu'il y en a qui vont revenir. Donc ça va vraiment être l'occasion de revoir. On a eu des demandes là de qu'est-ce que sont devenus les anciens. Donc on tâchera de vous donner quelques nouvelles. Pour les plus vieux, on verra si on arrive à avoir beaucoup de nouvelles. Je crois qu'on aura au moins quelques news de loin de Mathieu, mais je suis pas sûr qu'on l'aura en direct. En tout cas, il sera pas là physiquement. Enfin, voilà. Donc, réservez votre 24 janvier, quoi. Mm-mm. Et donc à Paris. Et il faut se mettre sur son 24, comme dit LJJ. À Paris, ouais, ce sera à Paris. C'est bon de préciser. C'est vrai que. Et si vous pouvez, comme Irène, venir de l'autre bout du monde, n'hésitez pas. Ouais, c'est la classe. On peut éventuellement, sur négociation dure, vous donner son numéro d'avion pour que vous soyez dans le même avion qu'Irène et lui parler pendant 10 heures. On fait un truc du style pour 1000 km, on offre une bière ? Oh, bah oui, pour 1000 km, on offre une bière. Mm-mm. Une pinte, même. Attends, 1000 km, c'est rien, c'est la France. Bah, c'est clair, c'est je suis en train de regarder. Moi, je attends, crois que c'est à 1000 km. Elle est à 1000 km, Julie. Attends, ça compte quelqu'un pas. Qui vient de l'autre bout de la France, tu lui payes une bière ? Ouais, c'est pas faux. Je m'engage à rien. Quoi ? Attends, t'offres des bières aux invités, du vin blanc. Non, bon, c'est après, vraiment le vin blanc. Ouais. Les gens qui nous font des dons vont peut-être pas être très contents si on ruine le compte parce qu'il y a quelqu'un qui est venu d'Australie. Mais voilà. Donc 24 janvier, soyez là. Ce sera cool. C'est notre 200e. C'est assez incroyable que ce soit la 200e. On a commencé à faire des stats. Il s'est passé un nombre de trucs délirants depuis la 100e. On réalisait pas en fait. Donc donc voilà, soyez là. Et... Qu'est-ce qu'il y a? Non, pardon. Non, rien. Bah, je laisse ça pour le. Enfin, pour Robin, il s'est rien passé de délirant vu qu'il en a rien à foutre du CERN, mais à part ça. Bref. Conclusion. Conclusion. Merci à tous d'être encore avec nous en 2015. On espère que cette année va être tout aussi folle. On espère que les 100 prochaines émissions vont être tout aussi incroyables. N'hésitez pas à participer, à nous proposer des dossiers, à nous faire des retours sur les émissions, à nous offrir des cadeaux, à nous offrir des sourires, à nous envoyer des messages, à faire ça sur SoundCloud, sur Twitter, sur Facebook, sur notre site web podcastscience.fm. Bref, montrez-nous que vous existez, c'est le meilleur moyen de nous récompenser ou de nous montrer que ce qu'on fait vous intéresse. Et puis voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour parler des névroses, hein, je dis pas de bêtises. Des maladies mentales, pour ouais. Parler des maladies mentales avec Clara. Et d'ici là, eh bien, que servir la science soit votre joie.